Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Wade, ton cœur est juste. Si tu t'entraînes, toi aussi tu peux être X-Man. Les X-Men, c'est pas ma came, mais alors pas du tout. Parce que tout d'abord, on m'a déjà dépucelé. Je le protégerai contre Cable, mais tout seul, je peux pas. Alors, retour de la séance de Deadpool 2, on va vous faire un petit débriefing. Une petite partie avec no spoil, une partie avec spoil. On vous préviendra quand c'est la partie spoil, comme ça vous pourrez passer à autre chose si vous l'avez pas encore vu. Ou rester sur le podcast si jamais vous en moquez des spoils. Allez, en piste. Don't call it a comeback. I've been here again. I'm rocking my pants. Put suckers in fear. Making the tears rain down like a monsoon. Listen to my bass go. Alors je vais laisser Fabien donc parler du film de Deadpool 2. Alors on va commencer par une petite présentation parce que le film est réalisé par David Leitch. Alors c'est la suite du film de Tim Miller qui était réalisé en 2016 avec bien sûr Ryan Reynolds. Donc il faut se rappeler que Ryan Reynolds avait lancé une véritable campagne sur internet pour justement lancer ce film. Là il incarne Wade Wilson, dans le personnage créé par Fabian Nessiza et Rob Liefeld en 1991. Faut rappeler que le Deadpool est issu aussi de l'expérience de l'arme X, comme tout comme Wolverine. Et donc dans ce deuxième épisode, eh ben il se retrouve face à cette fois il était précédemment face à Francis, si tu te souviens bien. Et dans cet épisode, il est face à Cable et il doit protéger un mutant qui s'appelle Fire Fist, qui est un peu l'équivalent, je dirais, de Pyro quelque part. Et, ouais, un mélange entre Iron Fist et Pyro. Et on retrouve l'équipe de Joyeux Drill, c'est-à-dire que à un moment, c'est pas un spoil. On le voit dans la bande-annonce. Il est rejoint par Colossus, Negasonic, Teenage Warhead et une certaine Yukio que je connais pas très bien. Moi, au départ, il semblait que c'était Psylocke, mais apparemment, elle a des pouvoirs bien différents. Elle peut manipuler l'électricité. Et voilà ce que je pouvais dire pour la nouvelle présentation. Et puis, il y a aussi la présence du Josh Brolin dans le rôle de Cable. Moi, je veux juste te dire qu'avec Josh Brolin, on l'a vu. Enfin, il incarne Thanos hein, dans les Avengers. C'est ça. C'est bien toujours de le resituer. Alors, moi, si je dois donner un avis à chaud en sortant de la séance, là, bon bah forcément on l'a vu un peu en retard, on a tous des vies. J'ai un avis partagé, moi j'ai bien aimé quand même, j'ai passé un bon moment, mais je trouve qu'il est en dessous du numéro 1. Ou alors peut-être parce que comme dans le numéro 1 il y avait l'effet de surprise, là il l'a plus dans le numéro 2. Sinon un bon divertissement, des CGI tantôt qui sont bien et tantôt qui sont un peu moins bien réalisés. Après voilà, ça reste un scénario Deadpool, vous mettez votre cerveau sur pause et vous passez un grand moment. Bah moi je suis un peu dans le sens contraire de toi, c'est-à-dire que moi j'ai pas détesté le 1, mais j'ai trouvé ce film assez passif et très bavard et les vannes marchaient pas tout le temps non plus, et surtout il y avait un manque flagrant de scènes d'action. Bon, à part celle de l'autoroute qui m'avait impressionné, le reste j'avais pas trouvé ça extraordinaire, mais là j'ai été comblé au niveau visuel parce que c'est vrai que on enchaîne scène d'action sur scène d'action, les vannes passent plutôt bien et il y a un démarrage dès les premiers plans avec la marionnette de Logan, et moi dans l'ensemble j'ai passé un bon moment. Et ce film il est sympa, il y a pas mal, on va spoiler quelques scènes parce que il faut quand même redire. Mais voir tous ces personnages à l'écran qui s'agitent et surtout la X-Force, quoi. On est tellement impressionné par la X-Force, quoi. Et voilà, quoi. C'est ce que je voulais dire, c'est que ouais, ça fait un bon mélange action, comédie, enfin humour, avec le générique à la James Bond chanté par Céline Dion, bien sûr. C'est vrai que je me suis pas du tout ennuyé, comme dans le premier, et j'ai trouvé ce film fort plaisant, quoi, finalement. Un film fort plaisant, y a pas besoin de réfléchir pour comprendre le scénario. Bah, je dis pas qu'il est nul, hein. Je dis que moi je l'ai trouvé en dessous du premier, et puis voilà, les vannes de ce film, on en reviendra dans la partie spoil, mais j'ai trouvé que c'était plus pipi caca que dans le premier, quoi. Ah bon ? Bah, moi j'ai l'impression de l'inverse. Mais tu vois, c'est bien parce que on va pouvoir entamer un débat sur les bacs pipi caca et surtout la fameuse scène du câble, quoi, parce que celle-là, elle est mémorable pour moi. Bah, moi je pense qu'on va devoir attaquer une partie spoil tout de suite parce que sinon on va rien pouvoir dire du film. C'est en fait vrai qu'on va un peu bloquer. Est-ce que tu veux commencer pour dire quelles sont les scènes qui t'ont notamment retenu, que ce soit les scènes d'action ou les scènes à vannes, quoi, je veux dire. Dans les bonnes scènes, ouais, il y a les scènes d'action, là, elles sont mieux rythmées que dans le premier. Ah, du coup, on n'a pas le temps de prendre la pause, donc c'est un peu plus embêtant à mon niveau. Après, bon voilà, on connaît les pouvoirs de Deadpool, on connaît déjà, donc c'est vrai qu'on ne refait pas tout le passif de sa naissance, parce que il n'y a plus rien à dire. On a déjà tout vu dans le premier sur la naissance de l'anti-héros Deadpool. Par contre, moi j'aime bien, parce que il reste fidèle à lui-même, hein, c'est-à-dire qu'il brise le quatrième mur, hein, on appelle ça les blagues méta. Ouais, là c'est bourré de blagues méta dans ce film. Ouais, c'est ça, tout le monde en prend pour son grade, aussi bien l'univers Marvel que l'univers DC. On fait des références référence aussi à d'autres univers, mais faut s'y connaître parce que pour voir des références. Mais dans l'ensemble, je pense que Ryan Reynolds se déchaîne une fois de plus. Enchaîner des scènes d'action comme ça, moi je suis pas trop étonné de savoir que le réalisateur, il a fait John Wick avec Keanu Reeves, qui était un très bon polar, très dans la tradition du film de policier de Hong Kong, un peu comme John Woo. Et là, il nous offre visuellement, c'est beau. Il y a, je retiendrai notamment, c'est la scène de poursuite avec l'espèce de convoi là où il tente de délivrer justement le jeune. Et il y a Cable qui arrive, il y a la X-Force, qui se fait ratatiner la tronche. Mais là, c'est vrai que c'est la crise de fou rire pour nous, cette scène-là. La scène avec la X-Force, là, faut revenir dessus parce que c'est... Ouais. Voilà, ils recrutent des super-héros, on n'aperçoit vraiment pas leur pouvoir, quoi. Mmh. Et puis, on se dit, il va avoir des genres de Deus Ex Machina avec ces héros-là. Ouais. Chacun a son propre pouvoir. Et puis, ils meurent tous comme des merdes. C'est-à-dire qu'ils sautent en parachute et il y en a un, il meurt emplafonné dans une camionnette, l'autre dans un broyeur. Ils meurent tous vraiment comme des merdes. Mmh. Et ça, c'était assez jouissif. Alors, c'est sûr, ça va faire râler les fans, de Shatterstar ou des autres que j'ai pas retenu. Mais alors, ça, c'était vraiment. Même Peter, quand on voit dans la bande-annonce, on se dit il a pas de pouvoir lui, mais il va certainement servir à quelque chose à un moment. Non, même lui, meurt tous comme des merdes. Ouais. Pour moi, c'est Peter qui a la mort la moins con parce qu'il essaie quand même de sauver son collègue là, qui est pris dans la broyeuse. Mais Shatterstar, je pense que c'est le pire au niveau de l'hélicoptère, quoi. Mais on va pas spoiler. Mais nous, on a été surpris de voir que d'un revers de la main, toute l'équipe est dégagée, quoi. Ça me fera mieux, quoi. Moi, j'ai attrapé un fou rire, quoi. C'était tellement exagéré. Il y a des trucs, c'est tellement exagéré. Et tu mentionnes aussi le Shatterstar. Il y a Bedlam, il y a Zatheist, je sais pas comment il s'appelle. Il y a aussi l'homme invisible, si tu te souviens bien. Ouais, il y a le Vanisher. Qui meurt électrocuté. il y avait aussi Domino, c'est la seule qui survit. Ouais. Bon, en même temps, elle a Domino, une chance incroyable. La chance, c'est la chanceuse du groupe, quoi. Mais entre tout ça, il y a de sacrées scènes. Dès le début, il coupe des bras, il coupe des têtes, ça vole. Il y a un côté aussi gore parce qu'il est déchiré en deux. D'ailleurs, ça c'est un gros spoiler, mais ça c'était pas vraiment d'annonce. Mais on a quand même la présence du fléau. Donc on a une espèce de baston à la fin avec Colossus. Au niveau CGI, c'est assez moyen, moi j'ai trouvé. Hein. Ils auraient quand même plus mieux s'appliquer pour au niveau texture, tout ça. Des mouvements parce que dans l'ensemble c'est quand même réussi et j'ai bien aimé c'est Josh Brolin quoi, il est tellement bon dans ce rôle de Cable que t'adhères quoi, il est tellement dans ce rôle sérieux et c'est le seul qui vanne peu, il fait un petit peu contraste avec tous ces personnages qui sont un petit peu des caricatures des fois quoi. Et puis moi j'ai adoré c'est le caméo des X-Men quoi. Alors, on voit Jax McAvoy et tous les membres des X-Men, il y a le Fauve et puis il y a les autres et moi ça m'a fait marrer aussi ça, le fait par contre je sais pas si c'est vraiment une scène qui a été tournée ou si c'est une scène qui a été intégrée derrière. Enfin voilà, comme je voulais dire, je voulais signaler quelques scènes et je vais passer la parole à Teddy parce que je parle trop. En fait, pour revenir juste sur la scène des X-Men, ça peut être les vrais hein, parce qu'ils étaient en train de tourner Dark Phoenix dans les studios d'à côté. Donc ça peut être les vrais. C'est vrai qu'il y a Dark Phoenix qui est en cours là et d'ailleurs il prend un peu l'eau là, le projet d'ailleurs apparemment, mais il devrait sortir en 2019. Mais là on a le X-Men quand même parodique. Hein, Colossus, Negasonic, Tina Juarez, il y a Yukio. Par contre, la vanne, bisous Yukio, ça va bien deux fois, mais après c'est lourd. Ouais, puis les vannes dans Deadpool, là, c'est vraiment du niveau du pipi caca. Ouais. Voilà, c'est bon. Là, c'était un peu lourd au niveau des vagues. Puis même quand la scène à la fin où il meurt plus, il est presque mort. Ah oui, ça c'est lourd, ouais. Ça c'est lourd aussi. D'ailleurs, il y a James Brolin qui fait pfff. Ça c'est excellent, excellent. Ça. J'ai trouvé ça excellent. Il y a toujours l'esprit méta qui est toujours dans le présent, dans l'écran quoi finalement. Ouais, mais c'est vrai que James Brolin, je dis pas il relève le niveau parce que le niveau il est pas bas non plus, pas déconner. Non. Mais c'est vrai qu'il apporte une touche de sérieux et il reste sérieux dans son rôle jusqu'au bout. Toujours. Quoi. T'es pas un héros. T'es qu'un bouffon. Déguisé en jouet. Tellement dark. T'es sûr que tu viens pas de l'univers DC Comics? Ouais, les premières scènes, il y a quand même, comme dans le premier Deadpool, du sang, des têtes coupées, des boyaux, quand il se fait éclater en deux par le Juggernaut, c'est comme quand il se coupe la main avec Colossus dans le premier. Mmh. Voilà, il refait pousser le bas sans aucun problème. Il se fait exploser parce qu'il a envie de mourir dans le premier, et puis Colossus, il ramasse tous les morceaux, puis il fait un gros puzzle et il réassemble dans le manoir des X-Men. Ça c'est pas trop mal, les scènes dans les manoirs des X-Men. Bon, il y a l'histoire d'en prison, avec les mutants un peu rebelles, Bon, ça, j'ai pas trouvé ça terrible parce que je trouvais que c'était dans... ça tombait un peu dans le cliché. Ouais, le Fire Fist, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, ce personnage, je trouve. Bon, voilà, c'est l'intérêt, un peu comme on nous avait montré dans Planète Hurlante, c'est-à-dire, c'était la possibilité de tuer un être maléfique quand t'as encore la possibilité de le faire, qu'il est jeune, est-ce que tu le ferais ou pas? Voilà, mais c'est pas non plus un point de réflexion, hein. On reste dans du Deadpool, on n'est pas là pour des réflexions très profondes. Non, puis bon, c'est vrai que on est tout le temps dans le méta, Ryan Reynolds se fait le taf. Ouais, il y a quelques séquences un peu mièvres, mais bon, c'est pas ça non plus qui tire le film vers le bas. Vraiment, il y a vraiment un rythme intense que j'avais pas dans le premier. Et moi, j'ai vraiment bien apprécié, alors que je m'attendais peut-être à pas vraiment jubiler devant, mais si, vraiment, c'est un personnage. Et puis, on voit l'ouverture du troisième, quoi, avec notamment, il faut quand même signaler ces scènes coupées, parce que de ces scènes post-génériques, excuse-moi. Oui, parce que j'allais dire, il n'y a pas de scènes coupées. Hein. les scènes post-génériques, on va garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire pour la fin. Là, on va plus te revenir sur ce qui n'a pas été dans le film, peut-être. Mm-hmm. La défaite, parce qu'il n'est pas mort, du Juggernaut, c'est-à-dire un coup de câble dans le cul, quoi. Excellent, quoi. Un coup de câble électrique dans le cul et on le balance dans l'eau. C'est dire pas apprécié. Voilà. Non, c'est vraiment, c'est l'humour pipi caca. J'ai l'impression d'avoir regardé un remake avec Michael Youn, quoi. C'est du même acabit. Donc, les 11 commandements version X-Men. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu l'émission Groland, mais c'est un peu pareil, quoi, au défaut. Ouais, c'était un peu déplacé. C'est la blague scato, quoi, par excellence. Ouais, mais à un moment... Ouais, mais bon, on sait quand même que c'est pas un enfant de cœur, Deadpool, et dans un univers particulier, bon, à un moment, il faut activer, et puis moi, j'ai bien aimé, quoi, cette scène-là, j'avoue que j'ai rigolé, parce que c'est tellement bien coordonné, je veux dire, il y a la coordination des pouvoirs pour, justement, que ça amène à cette scène, et que le mec, il saute, quoi, je suis un peu enfantin à défaut, mais c'est pas grave, j'avoue que cette scène, elle a marché sur moi. Moi, les scènes qui ont plus marché, c'est quand ils ont montré le côté badass de Domino, c'est-à-dire que, voilà, sa bonne étoile, elle a vraiment une bonne étoile, parce qu'elle arrive à faire tout ce qu'elle veut dans ses objectifs. D'ailleurs, c'est la seule de la X-Force qui meurt pas en atterrissage forcé en parachute. Ouais. Et puis, c'était vraiment intéressant, là, montrer ce côté. Il arrive tout ce qui doit arriver, mais l'effet Murphy, quoi. C'est-à-dire qu'elle arrive vraiment à atteindre ses objectifs. Elle a le cul bordé de nouilles, hein, c'est littéralement son pouvoir. C'est ce qu'il dit d'ailleurs Deadpool, mais si tu penses notamment à cette scène dans le pensionnat où il y a tout l'espèce de. C'est l'effet domino, en fait. Hein. Tout se fait pour qu'elle soit pas touchés du tout par les gardes, je vais dire, les mecs en blanc, et ils finissent tous écrasés ou décapités, et puis quand elle a besoin d'un bus, le bus arrive juste comme il faut, quoi. Ouais, puis en plus là on nous montre les décapitations, les morts, c'est bien montré. T'as tel vol, quoi, ouais. Puis là t'as nous en tant qu'adultes qu'on fait « Ouah, c'est gore !» et puis t'as les gamins qui sont tournés à côté dans la scène où il y a tous les gamins de l'orphelinat, qui font « Ouais, super !» Ça, c'est vrai que c'était quand même pas mal. Après, sinon, la scène dans le transport de convoi, elle est vraiment bien tournée. Surtout le moment où Deadpool coupe les balles de câble avec ses sabres, en fait, il s'en prend plein en même temps. Et puis, dans le teaser, il dit « sont rapides tes balles », et là, il dit autre chose, mais j'ai pas retenu quoi. Bah, il dit oui, aïe, mais il rajoute pas de réplique. J'ai trouvé que c'était pas terrible. Ouais, des fois les répliques sont pas pareilles d'un trailer au film. C'est ça qui est un peu désolant. Ce qui fonctionne dans le trailer fonctionnera peut-être moins bien. Ouais, moi je trouve que les grosses faiblesses, c'est les scènes quand il va dans l'eau et qu'il retrouve sa copine Vanessa. Ah ouais, alors là... c'était un peu lourd ces scènes-là. Ah ouais, les scènes où on nous montre que Deadpool a le droit à la rédemption, ça j'ai. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est quand même un mec qui bute tout le monde, il est décapite, il a pas d'état d'âme. Et puis après, on nous veut nous montrer une scène de rédemption. J'ai trouvé que ça collait pas trop. Quoi. Non, ça colle pas trop au personnage. Ouais, puis cette romance, elle est un peu ridicule, je trouve. Mais déjà, dans le premier, je trouve que c'était pas terrible. Mais là, je trouve que c'est un peu plus appuyé et ça n'a rien à faire dans un film comme ça, qui a un esprit vraiment parodique et qui pousse certains gags à l'extrême, quoi, des fois. Comme un peu avec la vieille dame qui est aveugle, quoi, tu vois. Moi aussi, il y a ce personnage qui m'a irrité, c'est dans le premier, c'est son copain à lunettes, là. Alors lui, je peux pas le blairer, je sais pas ce qu'il m'a, il m'a rien fait, mais je l'avais vu dans Transformers 4 et il m'avait déjà énervé, mais quand j'ai revu sa tête là, j'ai dit non, c'est pas possible, il revient ce personnage et il m'a agacé, je sais pas pourquoi. Ouais, puis c'est un lâche, hein. C'est le tenancier du bar en fait, c'est donc puis c'est un lâche parce qu'il balance tout à câble pour pas être torturé. Mais bon, après, c'est même Topinder là, il y a rien à faire dans ce film non plus. Mais Topinder, tu vois, j'ai pu s'accrocher, tu vois. Ouais, mais c'est des personnages normalement qui sont pas censés être là. Bon, sauf que Topinder a le droit à son moment de gloire et voilà, ça change un peu. Mais c'est vrai que Weasel, la belette, ou je sais plus, il s'appelle Weasel. Lui, il est passable, hein. Il sert que, en fait, à faire le relais entre. Cable et pour que Cable y retrouve le convoi, quoi, c'est tout. C'est un peu le lourdeau de l'histoire pour moi, mais non, l'Indien il est sympa, je trouve. J'aime bien les grosses vannes. En fait, je trouve que le duo Cable-Deadpool marche plutôt bien quand ils sont à deux. Ça donne un bon mélange, et puis je me répète un petit peu, mais c'est vrai qu'au niveau d'action, il y a tellement de coordination et de plans. Il y a le plan séquence d'ouverture que j'ai bien aimé, c'est quand il est dans l'usine avec les Russes. Et le Russe court au ralenti, et puis derrière, on voit Deadpool qui est en train de tout de bousiller tous les hommes de main avant que le mec réussisse justement à rentrer dans le bunker et à s'isoler, quoi. Mais je comprends pas, au moins il y a aussi le, enfin, mais il tient dans ses bras, je sais pas, j'ai l'impression qu'il commençait à danser avec. Ça t'a pas donné cette impression là quand une fois qu'il tue sa femme, il se barre et puis il passe à travers la voiture et puis il l'attrape comme s'il allait faire un tango avec. Ouais, pour le balancer sous une ambulance. Ouais, c'est ça. Il se balance à deux sous une ambulance. Parce que là, il a tout perdu. C'est la première fois où il essaye de se tuer, Deadpool. Ouais. Le problème, c'est que son super pouvoir, c'est littéralement d'être increvable. Ouais, c'est comme Wolverine, quoi. En plus, développé. C'est-à-dire que là, même Wolverine, il se fait couper un membre, ça repousse pas normalement. C'est ça. Tandis que là, Deadpool, voilà. Il n'y a pas de souci. Il se fait couper un membre, la moitié du corps même, et tout, il repousse. On va donc passer au. Ah oui, le caméo de Stan Lee. Alors, le caméo de Stan Lee, il faut pas cligner de l'œil, hein, surtout pas. Il est pas incarné. C'est juste une peinture. Ah bah, tu me l'aurais pas dit, je l'aurais raté, le caméo de Stan Lee. C'est la première fois qu'en fait, il fait pas une apparition en tant que figurant, quoi. Ouais, il est pas filmé de face. C'est vraiment, il est représenté sur une peinture géante. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est ça, le caméo de Stan Lee. On va aborder les scènes post-génériques, qui sont au nombre de deux, avec une deuxième qui est beaucoup plus longue et qui, franchement, nous a fait exploser rire, quoi. Ouais, donc la première scène post-générique, c'est un préquel aux autres scènes post-génériques. Mm-hmm. On voit juste Yukio et Negasonic qui réparent la machine à remonter le temps de Cable, et puis qui la donne à Deadpool, en fait. Elles se disent, bah ouais, c'est pas une bonne idée d'avoir fait ça. Et puis on découvre pourquoi après, en fait, hein, dans une deuxième scène post-générique, je veux dire, où justement, ben, ils corrigent un peu les erreurs du passé, notamment celle qu'on préfère, c'est celle qui fait référence à X-Men Origins Wolverine, quoi. Où on a carrément, ils se retrouvent face à Wolverine, quoi. La première scénette, c'est quand il demande à Peter de rentrer chez lui pour pas qu'il se fait tuer. Ouais. Par le mec. Après, ouais, alors là, cette scène numéro 2, là, où avec Wolverine et le premier version de Deadpool dans X-Men Origins, ouais. Dans Wolverine Origins. C'est Weapon 11, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, alors ça, c'était grandiose. Ouais. On attendait que ça. Hein. Ouais. Puis après, bah, évidemment, il remet en cause le choix de Ryan Reynolds, parce qu'on voit donc Ryan Reynolds qui s'enthousiasme devant le script de Green Lantern, et il se prend une balle dans la tête. Et ouais, il y avait une scène encore avant, c'est quand il sauve sa nénette, en fait, en balançant le couteau à beurre dans la tête du mec au lieu de... Ouais, c'est ça. Alors, au début, on s'est dit, bah, il retourne dans le temps, voilà, ça fait un peu facile. Puis après, quand on voit tous les... jusqu'au Green Lantern... Le défilé, ouais. Ouais, c'était quand même bien, au niveau crescendo, c'était bien, parce qu'il sort même de l'univers. Après, le quatrième mur, il est brisé. Ah, mais complètement, ouais. Il s'en va tuer son propre, lui, Ryan Reynolds, avant de faire Green Lantern. Et là, c'est vrai que je serais d'accord avec lui. Donc, il tue Ryan Reynolds, ça veut dire que si Ryan Reynolds meurt, ça veut dire qu'il va pas incarner Deadpool, du coup. On est dans un paradoxe spatio-temporel. Elle finalement là-dedans. Voilà, quoi. Ouais, c'était bien sympathique là dans l'ensemble. Bah, sinon, le film, on peut conclure que vous pouvez aller le voir. Ouais. Hein. Ouais, bien sûr. Allez pas avec des enfants. Non, c'est sûr que bon, des fois c'est un peu juste. Hein. Ouais, déjà, il y a un Peggy 12 hein, sur ce film. J'ai pas trouvé que c'était si sanglant par rapport à Logan qui était quand même bien sanglant, bien gore. Je trouve que Deadpool c'est quand même moins sanglant. Hein. Alors, moi je partage pas le même avis. Je trouve qu'il est plus sanglant que Logan. Bah ouais, là, des têtes décapitées, des machins, des trucs. Bon, je veux bien qu'il y en a dans Logan, mais voilà, on l'aperçoit pas plus de 2-3 secondes. En plus, il me semble que Logan, il n'y avait pas de Peggy. Mais le film était ultra, ultra violent. Hein. C'est un peu du gore fantaisiste pour moi dans Deadpool. Pour moi, cette violence, elle est pas comme brutale comme dans Logan. C'est ça que je voulais dire, moi. Ouais, c'est de la violence à la Evil Dead. Hein. Ouais, c'est-à-dire, c'est de la violence pour te faire marrer. Quand tu vois des têtes qui volent ou quoi, quand il se fait découper en deux, il n'y a pas de conséquences. Que je veux dire, il est coupé en deux, mais il meurt pas, quoi. Non, il meurt pas, puis il continue à être Deadpool. C'est-à-dire qu'il dit pas je souffre et il fait encore la morale aux gamins. Et puis ouais, voilà, ouais. Quoi. Et donc, une note sur 5 à ce moment-là. Bah, moi, sur 5, je lui mettrais quand même 4. Il approche pas la perfection à cause de le pipi caca et les trucs scato, mais quand même un bon 4 hein. Ouais, t'as quand même aimé dans l'ensemble, quoi. Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que voilà, moi j'ai vu le 1, j'étais un peu déçu par le 2 parce que j'avais aimé le 1, et toi qui as pas trop aimé le 1, t'as été emballé plus par le numéro 2. Ouais, c'est ça. Donc 4 sur 5 pour toi. Bah, moi je te rejoins à ce niveau là parce que j'ai préféré ce numéro 2 plutôt que le premier parce que il est plus dynamique, il y a l'action qui est plus rythmée, c'est moins bavard, et puis les vannes fonctionnent plus, et puis il y a un Josh Brolin qui est vraiment parfait, quoi.